c'est le moment d'écouter les meilleurs moments d'assemblage requis. C'est un instant classique! Je le punk pas, ce cue-là. Comment? Je le punk pas, ce cue-là. Non, hein? Tu l'as essayé la dernière fois? Oui. C'est le moment. Un instant classique. Je te présente, puis après ça, excuse-moi. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis. Un instant classique. Mais comment? Voici le meilleur moment d'assemblage requis pour la semaine du 5 janvier 2015. Autant dire que les studios de 6 fois à 3 rivières en ce lundi 5 janvier 2015. Tellement. Hein, ça fait-tu longtemps qu'on s'est pas parlé en direct? Deux semaines. Deux semaines et ouais, c'est ça, un petit peu plus que ouais, ça. Ouais, plus un jour, parce qu'on n'est pas là le vendredi. Genre, nous revoilà, par magie, enfin. Pas par magie. Non, par de peine et de misère. Parce que la magie de Noël, ça s'est passé. Puis, bonne émission. Et les autres bons quelque chose que vous avez déjà entendu, vous êtes déjà tanné. Non, on commencera pas avec ça. Non, et je pense qu'aussi on a une nouvelle chronique qui explique quoi faire avec les restants de dinde. Parce que ça, on en a jusqu'au mois de mars environ, des restants de dinde, okay. Fait que... On appelle ça comment, cette chronique-là? Hein? Mange ta dinde. Mange ta dinde! Ou c'est une redinde fusion. Une redinde fusion de dinde. Une redinde fusion, une redinde fusion, ouais. Ben oui. Ouais. C'est bon, ça. Qui avons-nous en studio, Steph? On veut pas le savoir! Hein, pas sûr non plus! C'est pas David Ferron? Ben non! Malheureusement, c'est Marie Melon. Poula! Poula! Poula! Poula! Ah ouais, t'aimes ça avec la petite sauce brune du poula? Poula! Parle de ça. Ben à part de ça, je pense que c'est Marie. David. Oui, bonjour Steph et Mathieu, vous allez bien? Oui! Ça va mieux? Tiens, on va entrer dans la chronique de David, voici les notes salées. Attention, Danny, tu vas aimer ça, on va chanter. Ok, attention! On va voir si vous êtes rouillé. Salé, la dinde du jour d'Alain était bonne. Mais la petite sauce brune était ben trop salée. Come on, grand-mère, t'as mis trop de sel dans ta sauce. Tu goûtes plus, il y avait trop de sel. Look at my nuts. Donc, c'est les notes salées de Danny. Je regarde. Pour rouiller pas. Danny, regarde mes nuts. Oh, je peux vous laisser entre vous deux. Ouais, justement. On peut l'écouter aussi en étant habillé en girafe ou encore avec habillé en mou. Habillé en girafe? Oui. Ça m'est pas arrivé. En motif de girafe, mettons? Aussi. OK. Ah ben. Quand on est tanné. Un motif de girafe? Si j'ai ça, j'ai pas ça. Quand on est tanné. Ouais, mais le long cou, il est pas à la même place. Il était rectible. C'est un gag de pénis. Donc, David Ferron, on te retrouve lundi prochain. Merci Danny, Danny Janvier. Danny Ferron. Danny Ferron. Voilà, ah, c'est le nom de groupe de patinage de Hollywood. On fait jaser. Danny Janvier, David Ferron, Stéphanie Paradis. Ça va être Jean Rond. Oh. Jambon? Jambon. J'ai bien hâte d'entendre. Jambon, ça, c'est moi. Des jambons après les fêtes, tout le monde est rond. T'as bien épaissi, toi. Dormir dans des petits pods, tu sais, les petites, les genres de petites cages grosseur du corps humain. Même le Père Noël fait là-dedans, apparemment. Faut pas être claustrophobe. Non. Oh! Steph! Je dois arrêter ça. T'as dit claustrophobe. Parce que le Père Noël est Santa Claus, trop fort! Ah, Seigneur! T'es cohérent, tu l'as même pas vu venir, t'sais. Il a fallu que j'interrompe. L'hiver qui s'annonce chargé en matchs spéciaux. Oh oh! Je faisais mes calculs savants avec mon boulier. Puis la moitié des matchs en spéciaux. Avec des rouges, bleus. Ah, je me touchais à B, ok. On écoute. Ah, comment? Excuse, j'ai pas entendu. T'as ça, toi? C'est comme dans la version française de Buffy, où elle s'appelait Bichette, en français. Dans le film de Buffy, elle s'appelait Bichette. Sérieux? C'est vrai. Oh. Dans la version française de Buffy contre les vampires, le film, elle s'appelait Bichette. Et dans la version française de Angel, il s'appelle Angèle aussi. Tu savais pas ça? Non. Fait que c'est Bichette et Angèle au lieu de Buffy et Angel. Ouais. On dirait que ça perd son charme. En trio. Avec des chips et des biscuits et du soupe. S'il vous plaît, merci. Ça, c'est un quatrio. Un quatrio. C'est un quatrio, comme on dit en musique. Le célèbre quatrio, les Beatles. Leonardo Quatrio. Du quatrio. Mathieu Plante, derrière son micro, devant son micro. Moi, je le vois derrière, mais en fait, il est devant. Ça dépend de quel bord on est. Est-ce que tu es en train de me dire que le monde est en 3D, comme les films? Ouais. Incroyable. Stéphanie Paradis, c'est toi. Mathieu Plante, devine c'est qui? Est-ce que c'est lui? Lui qui? Point de quelqu'un qu'on sait pas encore parce qu'on l'a pas présenté. Ben non, t'es tout seul, là. Qu'est-ce qui se passe? L'illusion est brisée. Ben non, mais c'est parce qu'on échange le micro, là. Moi et Mathieu, on est allé au bout de la pièce. Là, quand je finis, je lance le micro. Là, il me le relance. OK. Tag team. Tag team. C'est pour ça qu'on parle jamais en même temps. C'est ça. Wow, ça a même pas de sens, finalement. C'est une philosophie de vie, essayer de ne pas rester, de pas stagner. Hey, hein? Tantôt, là, tu chialais qu'on, dans, mettons, Psycho, oui. En anglais, on prononce pas le P. Non. Eh bien, je t'annonce qu'en français, on doit prononcer stagnant. Stagnant? Ouais, c'est pas stagnant, c'est pas comme GN, non, c'est stagnant. C'est dommage affreux. Comme des eaux stagnantes. C'est laid, ça, c'est dégueulasse. Stagnante, c'est pas beau. C'est très peu connu, je te dirais. Eh ben, maintenant je sais. Wow, merci beaucoup. Je vais essayer de plus utiliser le mot à la place, tu vois? Contourner le problème. Parce que c'est pas loin d'un sous-marin de 12 pouces. C'est pas un pied, c'est ça, c'est sûr. Et c'est quand même... Mais c'est pas loin. Et c'est quand même assez épais, assez large aussi, donc c'est une bonne dimension. Respectable. Respectable. Mettons. Non. Tu peux pas te sentir gêné. C'est pas respectable, là, ça c'est énorme. Là. C'est ben, en longueur, pas en circonférence. Je pourrais pas te dire. Tu veux savoir les ingrédients? Oui, s'il te plaît, les ingrédients. Je vais me priver de comment. Écoute, c'est pas assez large pour moi. Selon l'usage. C'est ça. Dépend ce que vous en faites, ça a l'air parfaitement convenable. Vas-y, ça. Pas en largeur. Pas en largeur. Si on met des batteries dedans, ça va. Donc, sucre. On s'envoie la langue pour se dire au revoir. Je me noie au secours. Quelques petites perles, mais quand même une semaine relax, mais drôle quand même. C'était le retour au boulot. C'est ça, c'était la première semaine du mois de janvier, la semaine passée du 5 janvier 2015, avec un instant classique. On retrouve Stéphanie Paradis et moi-même Mathieu Plante, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Voilà. Voilà. Pour bien commencer ta journée. Bon, voilà. Oh non. Puis c'est pas parce que ça siffle que c'est salut bonjour. Non, c'est vrai. Dans notre intro. Ça commence bien. Oh non, ça c'est la pire. Ben, j'essaie de trouver quelque chose comme... C'est ça, ça commence bien. C'est tellement cheesy, là, ça n'a pas d'allure. Comme des Cheese Whiz. Oui! Oui! Donc voilà, pour l'instant classique, on fait ça toutes les semaines. En début de deuxième heure, au palmarès, c'est fou. Superbe.